transformé en enfant avant maintenant savoir quoi faire. Je sais pas si je veux faire marche arrière. Mon corps n'est même pas le mien. Je suis même pas ni de ma pensée. On est tous traités comme des chiens. On va se déshumaniser. À quoi ça mène de toute façon? J'ai jamais rien qui toute ta chanson. Comme toute cette séché d'histoire, il ne fera jamais avancer. Peut-être garder le beau espoir. Nous serons fond du pouvoir. J'aurais voulu que ça puisse changer, que les gens se mettent à penser. Non pas par ceux qui sont en haut, mais bien par leur propre cerveau. J'aurais voulu tout arrêter, pour pouvoir tout recommencer. Ramener un peu comme un gamin, les gens sont un peu plus malins. À quoi ça mène de toute façon? J'en ai rien que toute attention. Tout celle de ces gestes, ils ne pourront jamais avancer. Peut-être garder un peu espoir. Tout ça au fond du pouvoir. N'y crois pas, tu n'y crois plus. J'y reste action dans les rues. Dans les rues. Quoi ça mène de toute façon, c'est jamais rien que toute attention. Comme tout est de ces GIP, ne feront jamais avancer. Peut-être garder un peu espoir, pour nous serons fond du trou noir. Qui n'y croit pas, qui n'y croit plus, c'est qu'il reste d'action dans les rues. Dans les rues.